Amis humains, bonjour. Un sujet très romantique, au bord de la guerre et de l'effondrement économique. Paul Craig Robert. Au cas où un des auditeurs me demanderait si je peux lui donner quelques bonnes nouvelles, la réponse est pas si je dois vous mentir comme le font votre gouvernement et les médias traditionnels. Si vous voulez de fausses bonnes nouvelles, vous avez besoin de retourner dans la matrice. En échange de moins de stress et d'inquiétude, vous serez conduits inconsciemment vers la ruine financière et l'armageddon nucléaire. Si vous souhaitez être prévenu, et peut-être préparé à ce que votre gouvernement vous apporte, et avoir une quelconque petite chance de réorienter le cours des événements, écoutez. Les néoconservateurs, un petit groupe de fauteurs de guerre, fortement alliés avec le complexe militaro-industriel, Israël, nous a donné l'invasion de la Grenade et les contrats dans l'affaire du Nicaragua. Le président Reagan les a congédiés, et ils ont été poursuivis mais par la suite graciés par le successeur de Reagan, George Bush. Installé dans les think tanks et protégé par l'argent israélien et le complexe militaire, sécurité, les néoconservateurs ont ressurgi sous l'administration Clinton, et ont conçu l'éclatement de la Yougoslavie, la guerre contre la Serbie et l'expansion de l'OTAN aux frontières de la Russie. Les néoconservateurs ont dominé le régime George W. Bush. Ils ont contrôlé le Pentagone, le Conseil national de sécurité, le bureau du vice-président, et bien d'autres choses. Les néoconservateurs nous ont donné le 11 septembre et son camouflage les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak, le début de la déstabilisation du Pakistan et du Yémen, l'Africom, l'invasion de l'Ossétie du Sud par la Géorgie. La disparition du traité ABM, l'espionnage inconstitutionnel et illégal des citoyens américains sans mandat judiciaire, la perte des protections constitutionnelles, la torture et les manquements du pouvoir exécutif vis-à-vis de la loi, du Congrès et du pouvoir judiciaire. En bref, les néoconservateurs ont jeté les bases pour la dictature et pour la Troisième Guerre mondiale. Le régime Obama n'a tenu responsable de crimes aucune personne du régime Bush, créant ainsi un précédent qui met le pouvoir exécutif au-dessus de la loi. Au lieu de cela, le régime Obama poursuit les dénonciateurs qui disent la vérité sur les crimes du gouvernement. Les néoconservateurs restent très influents sous le régime Obama. À titre d'exemple, Obama a nommé la néoconservatrice Suzanne Rice comme conseillère en sécurité nationale. Obama a nommé la néoconservatrice Samantha Poe comme ambassadrice américaine aux Nations Unies. Obama a nommé la néoconservatrice Victoria Nuland en tant que secrétaire d'État adjoint. Le bureau de Nuland, en collaboration avec la CIA et des ONG financées par Washington, a organisé le coup d'État des USA en Ukraine. Le néoconservatisme est la seule idéologie politique existante. C'est l'idéologie américaine idéale. Les néoconservateurs croient que l'histoire a choisi les États-Unis pour exercer leur hégémonie sur le monde, ce qui rend leur pays exceptionnel et indispensable. Obama lui-même l'a tout autant déclaré. Cette idéologie donne aux néoconservateurs une énorme confiance, tout comme la conclusion de Karl Marx disant que l'histoire avait choisi les travailleurs pour être la classe dirigeante, avait donné confiance aux communistes des premières heures. Cette confiance en eux-mêmes rend les néoconservateurs téméraires. Pour faire avancer leur agenda, les néoconservateurs usent de propagande sur les populations des États-Unis et des États vassaux de Washington. Les presses, situées livrent les mensonges des néoconservateurs au public crédule. La Russie a envahi et annexé les provinces ukrainiennes. Poutine a l'intention de reconstituer l'Empire soviétique. La Russie est un état de gangsters sans démocratie. La Russie est une menace pour les pays baltes. La Pologne et toute l'Europe nécessitent un renforcement militaire sautant sur les frontières avec la Russie. La Chine, un allié russe, doit être militairement contenue par de nouvelles bases navales et aériennes américaines autour de ses frontières et par des contrôles de ses voies maritimes. Les néoconservateurs et le président Obama ont rendu tout à fait clair que les États-Unis n'acceptent pas la Russie et la Chine comme pays souverains avec des politiques économiques et étrangères indépendants des intérêts de Washington. La Russie et la Chine ne sont acceptables qu'en tant qu'États vassaux, comme le Royaume-Uni, l'Europe, le Japon, le Canada et l'Australie. Thank you. évidence, la formule néoconservatrice est une formule pour la guerre finale. Toute l'humanité est menacée par une poignée d'hommes et de femmes mal installés à des postes de pouvoir à Washington. La propagande anti-Russie est passée à la vitesse supérieure. Poutine est le nouvel Hitler. Daniel Zuboff rencontre d'une conférence conjointe tenue par trois think tanks américains. Cette conférence a accusé la Russie des échecs de la politique étrangère de Washington pour voir comment fonctionnent les néoconservateurs pour contrôler les explications. Même Henry Kissinger est attaqué pour avoir dit la vérité évidente que la Russie a un intérêt légitime en Ukraine, une partie des terres longeant la Russie sont situées dans la sphère légitime d'influence russe. Depuis le régime Clinton, Washington a agi contre les intérêts russes. Dans son livre à paraître, Mondialisation de la guerre. La longue guerre de l'Amérique contre l'humanité. Le professeur Michel Chossudovski présente une évaluation réaliste du niveau de proximité jusqu'auquel Washington a amené le monde vers sa disparition dans une guerre nucléaire. Ce passage est tiré de la préface, La mondialisation de la guerre est un projet hégémonique. Des opérations militaires et de renseignement majeures et secrètes sont en cours simultanément au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Afrique subsaharienne, en Asie centrale et dans l'Extrême-Orient. L'agenda militaire américain combine à la fois des théâtres d'opérations majeures et des actions secrètes orientées vers les États souverains déstabilisateurs. En vertu d'un agenda militaire mondial, les actions entreprises par l'Alliance militaire occidentale USTAN Israël en Afghanistan, au Pakistan, en Palestine, en Ukraine, en Syrie et en Irak sont coordonnées au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. Nous ne fonctionnons pas en opérations militaires et de renseignements désordonnées. En juillet 2014, l'attaque sur Gaza par les forces israéliennes a été menée en étroite consultation avec les États-Unis et l'OTAN. À leur tour, les actions en Ukraine et leur calendrier coïncidaient avec le déferlement d'attaques sur Gaza. Aussi, les entreprises militaires sont étroitement coordonnées avec un processus de guerre économique qui consiste non seulement à imposer des sanctions sur les pays souverains mais aussi dans des actes délibérés de déstabilisation des marchés financiers et monétaires en vue de saper les économies nationales des ennemis. Les États-Unis et leurs alliés ont lancé une aventure militaire qui menace l'avenir de l'humanité. Au moment où nous mettons sous presse, les forces des États-Unis et de l'OTAN ont été déployées en Europe orientale. En vertu d'un mandat humanitaire, une intervention de l'armée américaine se déroule en Afrique subsaharienne. Les États-Unis et ses alliés menacent la Chine avec le pivot vers l'Asie du président Obama. Par ailleurs, des manœuvres militaires sont menées aux portes de la Russie, lesquelles pourraient conduire à une escalade. Les frappes aériennes américaines engagées en septembre 2014 et dirigées contre l'Irak et la Syrie sous le prétexte de s'en prendre à l'État islamique sont parties d'un scénario d'escalade militaire s'étendant de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale à l'Asie centrale et du Sud. L'Alliance militaire occidentale est dans un état de préparation avancée, et ainsi soit la Russie. Comme je l'ai souvent remarqué, les Américains sont un peuple insouciant. Ils ne sont tout simplement pas au courant. Supposons qu'ils soient au courant, supposons que toute la population ait compris le danger, quelque chose pourrait-il être fait, ou les Américains insouciants sont-ils tombés sous le contrôle de la police d'État que Washington a créée? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'espoir dans le peuple américain. Le peuple américain ne peut pas dissocier un leader véritable d'un factice, et les élites dirigeantes privées ne permettront pas à de vrais leaders d'émerger. En outre, il n'y a aucun mouvement organisé en opposition avec les néoconservateurs. L'espoir vient de l'extérieur du système politique. L'espoir est que le château de cartes ainsi que les marchés truqués érigés par les décideurs politiques pour le bénéfice d'un pour cent s'effondrent. David Stockman considère ce résultat comme très probable. L'effondrement que Stockman voit arriver est le même effondrement que j'avais signalé. En outre, le nombre de signes noirs qui peuvent produire l'effondrement sont quand même plus nombreux que ce que Stockman identifie correctement. Certains organismes financiers s'inquiètent d'un manque de liquidité dans le revenu fixe, obligations et sur le marché des produits dérivés. Barbara Novak, co-présidente de BlackRock, exerce un fort lobbying pour un mécanisme de sauvetage des produits dérivés. L'article de David Stockman est important. Lisez-le jusqu'à ce que vous compreniez, et vous en saurez plus que la plupart de tout le monde. Beaucoup vont se demander si la richesse d'un pour cent est vulnérable à l'effondrement économique. La guerre va-t-elle être lancée pour protéger cette richesse et va-t-on reprocher aux Russes ou aux Chinois les difficultés qui submergent la population américaine? Ma réponse est que le type d'effondrement que j'attends, et que David Stockman et sans doute d'autres attendent, présente le gouvernement dans une telle instabilité sociale, politique et économique que l'organisation d'une grande guerre devienne impossible. Alors que l'impuissance politique du peuple américain et que la vassalité du monde occidental n'imposent aucune contrainte sur Washington, l'effondrement économique entraîne des révolutions et la disparition de l'ordre existant. Et aussi difficile serait-il pour les gens de survivre à l'effondrement, les chances de survie restent plus élevées que dans le cas d'une guerre nucléaire. Article de Paul Cray-Robert. À bientôt, grosse bise numérique. We'll be right back.